Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, premier volet de notre série sur les crimes non élucidés, les disparus de la Deule. Le 11 octobre 2010, au petit matin à Lille, un cadavre émerge à la surface de la rivière qui traverse la ville. C'est le premier épisode d'une série noire qui va plonger la capitale du Nord dans la psychose. En un an à peine, pas moins de 5 hommes, tous jeunes, sont retrouvés morts, presque aux mêmes endroits, dans les eaux sombres de la Deule. Ils n'avaient rien en commun, ne se connaissaient pas, ne vivaient pas dans les mêmes quartiers. Rien, rien, à part leur funeste destin. C'est en pleine nuit qu'ils ont disparu, au moment où ils quittaient une soirée, chacun la sienne, pour rentrer chez eux. Aucun ne devait a priori passer par les berges de la Deule. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi ont-ils changé de chemin? Qu'est-ce qui les a amenés à s'approcher si près des berges de la rivière? Et puis surtout, comment sont-ils tombés à l'eau? Autant de questions sans réponse, et à la tête desquelles la plus lancinante, qui a tué les 5 hommes et pourquoi? Notre invité aujourd'hui, Thomas Statius, journaliste, auteur d'un ouvrage paru chez Lattès en janvier dernier, intitulé « Les morts de la Deule, une enquête dans le Nord ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Juliette Proutot, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Hervé Ribarzik est un passionné de musique. À 42 ans, il joue de la guitare depuis toujours, il l'a apprise tout seul, en autodidacte. Il a même monté son groupe, Ashtones, une formation punk lilloise qui connaît son petit succès dans la région. D'ailleurs, le soir du 11 novembre 2011, un concert de groupe est prévu à La Chimère, un bar situé au 95 boulevard Montebello. Les Ashtones vont assurer la première d'un groupe de glam rock allemand, les Second District. Sur le flyer, qui annonce le concert, est écrit « Prix d'entrée 5 neurones ». Belle trouvaille, et qui donne le ton. Le concert se déroule bien, le public est nombreux, on est entre habitués, fans du groupe et nouveaux venus bienvenus. Hervé, qu'on surnomme Destry, est content de la prestation de sa bande. Une photo prise ce soir-là par un journaliste de La Voix du Nord immortalise la bonne ambiance générale. On y reconnaît le guitariste, son célèbre bandana rouge qu'il ne quitte jamais, son visage fin, ses traits un peu tirés et son air enthousiaste. Il est 2h du matin quand le groupe termine de ranger le matériel. Et après quelques bières, chacun décide de rentrer chez soi. On propose à Hervé de le raccompagner, mais il décline. Il doit rentrer rejoindre sa compagne, Dorothée, qui vit à quelques centaines de mètres à peine de la chimère Rudiena. Alors il embrasse ses amis et se met en route. Hervé n'a qu'à descendre le boulevard Montebello, puis tourner à droite, rien de plus simple, à ceci près qu'il n'arrivera jamais à destination. 10 jours après la disparition d'Hervé, Dorothée et Agnès ne savent plus quoi faire pour tenter de retrouver sa trace. Désemparées, elles éditent de nouveaux avis de recherche. Le premier, on l'avait fait un peu dans l'urgence, et là, on essaie de faire quelque chose de plus ressemblant. Et de... Il portait cette chemise, une chemise unique, c'est lui qui l'avait fabriquée, celle-là. Ses deux proches placardent les affiches dans le secteur où le guitariste a été vu pour la dernière fois, le 12 novembre à 2h du matin, à la sortie d'un concert qu'il vient de donner dans ce bar, La Chimère. Dans l'angoisse depuis 10 jours, elles ignorent totalement où en est l'enquête sur la disparition d'Hervé Ribarzik. C'est peut-être normal, je ne sais pas comment travaille la police, j'y connais rien, nous on est complètement démunis. On espère qu'il y a vraiment des recherches sur le terrain et on essaye de les faire nous-mêmes aussi et puis de... La Sûreté Urbaine de Lille, en charge de l'enquête, juge cette disparition préoccupante, mais pas pour autant inquiétante. Toute personne majeure a le droit de disparaître. Douze jours après le concert boulevard Montebello, le 23 novembre 2011, le corps d'Hervé Ribarzik est repêché dans la Deule, au niveau du port fluvial de Lille, près de Loos. Cela faisait 12 jours qu'il était porté disparu. Et sa mort sonne le 5e et dernier acte de la tragédie qui se joue dans les rues de la ville. Et dans cette pièce, c'est la Deule qui tient le premier rôle. Cette rivière, l'une des plus anciennes du Nord, née dans le Pas-de-Calais, longe plusieurs quartiers lillois, dont celui du Vieux-Lille. Elle n'est pas très large, une vingtaine de mètres à peine, et quand il fait beau, on peut voir des dizaines de promeneurs ou d'amateurs de course à pied envahir ses quais. Il faut dire qu'avec ses abords verdoyants et ses grands arbres, le cadre est assez bucolique. Enfin, la journée. Parce que le soir, c'est une toute autre affaire. La Deule change de visage et ses berges, si accueillantes, se chargent de mystères et de dangers au fur et à mesure qu'elles s'assombrissent. Pour comprendre ce dossier, il faut remonter à la fin de l'année 2010, quand les eaux de la Deule se sont obscurcies et ont commencé à rejeter des corps. Octobre 2010, quartier du Vieux-Lille. Ce soir-là, John Annie, 33 ans, va disparaître. Athlétique sérieux, mais aussi fêtard, il porte de longs dreadlocks noirs qu'il coiffe souvent en arrière à l'aide d'un bandeau et ne possède pas de téléphone portable. Belle ironie pour quelqu'un qui travaille chez SFR. Et surtout, au-delà d'être incongru, cette situation a son importance pour la suite de l'affaire. Ce jeudi 7 octobre, vers 22h, donc, John décide d'accompagner un ami, Igor, chez une certaine Louise qui organise une soirée chez elle, avec quelques amis, dont une fille qui plaît bien à Igor. Timide, ce dernier demande à John de tenir la chandelle. Bon, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'un voisin mécontent du bruit décide de sonner la fin des festivités. Vers 5h du matin, Louise met donc tout le monde dehors. John embarque une bouteille de bière, il sort de l'immeuble, rue Meurin, et se met en route pour rentrer chez lui, rue Masséna. Il a bu, il a fumé du cannabis, mais il n'est pas titubant. Et il a moins de 500 mètres à faire. Et pourtant, 4 jours plus tard, le 11 octobre, son frère Joe signale sa disparition. Le corps de John est retrouvé dans la rivière l'après-midi même. Il s'est noyé. À ce moment précis, l'affaire des disparus de la Deule n'existe pas encore. Ni pour la police, ni pour les médias. Après tout, des jeunes qui se noient après des soirées trop arrosées, c'est malheureux. Mais ça arrive à Lille, comme ailleurs. Mais dans les milieux LGBT, la mort de John, homosexuel, crée une certaine émotion. D'abord parce qu'il était connu dans la communauté, et surtout parce que plusieurs agressions homophobes sévissent dans le coin depuis quelque temps. Et puis, les LGBT sont encore sous le choc d'une autre affaire, terrible, survenue quelque temps plus tôt dans la région. Il est 9h hier matin lorsque des promeneurs découvrent au cœur de ce jardin public le corps sans vie, partiellement dénudé, d'un homme d'une soixantaine d'années, un homme battu à mort la nuit précédente. Samedi soir, vers minuit, cet adolescent passait avec un ami par le parc. Il dit avoir été témoin de l'agression commise par un groupe de jeunes. Bah, ils tombent en vente. Puis en fait, leur scooter, ils étaient juste plus loin. Puis en fait, ils sont repartis avec leur scooter, en fait, comme des fous. Et après, nous, on a su que le lendemain... Il y en avait un qui était mort, les insultés de PD, tout ça, et les mecs qui se sont fait frapper. Et puis nous, après, on a continué, on n'est pas resté là pour se frapper non plus. Ce jardin public de Cambrai est réputé pour être un lieu de rendez-vous d'hommes homosexuels. Il serait régulièrement pris à partie par des jeunes qui se rassemblent également ici le week-end. Il semble que les railleries habituelles aient dégénéré samedi soir. Oui, si la mort de John était aussi le résultat de plaisanteries qui auraient dramatiquement dégénéré. Toute la communauté LGBT s'inquiète. Surtout que John a lui aussi été retrouvé près du jardin Vauban, connu comme un point de rencontre homosexuel. Mais aucune preuve matérielle d'agression n'est retrouvée. Et puis, les analyses du corps révèlent une alcoolémie importante, 2,1 g d'alcool par litre dans le sang et des traces de cannabis. Alors, la direction départementale de la sécurité publique, en charge du dossier, privilégie la piste de l'accident. Pendant que la peur continue de monter chez les jeunes gays. Voilà, l'histoire aurait pu en rester là. Mais 4 mois plus tard, un autre jeune homme disparaît. Celui-là s'appelle Thomas Ducrot. La police lance un appel à témoins pour retrouver Thomas Ducrot. Ce jeune homme de 26 ans a disparu dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Depuis, personne n'a aperçu le jeune homme. Il n'est pas allé travailler samedi. Son téléphone est toujours sur répondeur. Sa voiture garée au même endroit. Les proches de Thomas sont donc très inquiets et multiplient les avis de recherche pour tenter d'avoir de ses nouvelles. Depuis hier soir, on a lancé un avis de recherche. Donc, c'est déjà passé à la télé. Il y a des messages qui sont passés aussi sur la radio. Et ce matin, on a plaqué des affiches partout dans l'île. Il portait des baskets noires, un jean bleu et un petit blouson demi-saison noir, quelque chose d'assez fin. Thomas Ducrot est une figure relativement connue à Lille. Sa famille tient une concession de moto installée depuis des années. Après le décès de leurs parents, Thomas et sa sœur Julie sont devenus la 4e génération Ducrot à la tête de l'entreprise. Lui est grand, mince, cheveux bruns, yeux noisettes. C'est un jeune homme souriant et généreux, mais du genre qui n'a pas peur de la bagarre. Certains le disent aussi soucieux ou dépressif, surtout depuis la mort de sa mère, quelques années plus tôt. Il travaille dur, les affaires sont difficiles, et il fait la fête, deal aussi, parfois, pour arrondir des fins de mois, et financer sa consommation de cocaïne surtout. Le soir de sa disparition, il est avec cinq amis, dont sa compagne, Céline. Après un début de soirée passé chez Julien, l'un de ses meilleurs amis, ils sortent en direction d'un bar dans le Vieux-Lille et se séparent. Ce sera le Latina Café pour les filles et le Privilège rue Royale dans le Vieux-Lille pour Thomas, Julien et Franck, un autre copain. L'ambiance est bonne dans ce bar connu de la communauté LGBT. Thomas et ses compères s'y sentent à l'aise. L'atmosphère se réchauffe et les tournées de bière s'enchaînent. Vers 2h du matin, Franck décide de rentrer chez lui. Et aux alentours de 3h, le Privilège ferme ses portes. Julien, qui a pris pas mal de drogue, veut continuer sur sa lancée. Avec quelques connaissances rencontrées sur place, il propose de se diriger vers le magazine, une boîte de nuit située à côté de l'IEP. Peut-être trop saoul pour les suivre, ou simplement fatigué, les versions divergent, Thomas préfère rentrer. Il habite de l'autre côté du périphérique, une petite trotte à pied. Alors, sympa, Julien lui donne les clés de son appart situé à deux pas des Privilèges, c'est quand même plus pratique. Thomas accepte. Mais depuis l'intérieur de la voiture qui s'apprête à partir pour la boîte de nuit, l'un des passagers remarque à travers la vitre que le jeune homme ne se dirige pas dans le bon sens. Il prévient Julien, qui, trop concentré sur la suite de sa soirée, ne réagit pas. Pourtant, c'est la dernière fois que Thomas Ducrot sera aperçu vivant. Oui, on repêchera son corps dans la Deule, deux semaines plus tard, le 23 février 2011, alors qu'un troisième jeune homme, Jean Mériadec, vient tout juste lui aussi d'être porté disparu. Écoutons les précisions du procureur Frédéric Fèvre, en charge des dossiers. Une réaction d'effroi, évidemment, au regard de la violence des choses et de la nature du drame. Ensuite, je crois qu'effectivement, il faut éviter de céder à une éventuelle psychose. Je ne crois pas que des éléments aient été mis en lumière sur un éventuel lien entre les trois affaires. Et donc, je pense qu'il faut laisser la police mener son enquête. Le lien entre la disparition de Jean Mériadec le Tarnec et la mort de Thomas Ducrot à 2 jours d'intervalle à peine est si visible qu'il change la donne. Alors on ressort le dossier de John Annie. Et les trois affaires, Annie, Ducrot et désormais le Tarnec, sont réunies par la police judiciaire pour n'en former qu'une seule, qui portera dorénavant le nom de la rivière, les disparus de la Deule. Après la découverte du corps de Thomas Ducrot, la ville entière retient son souffle, espérant voir Jean Mériadec réapparaître. Après tout, on ne sait jamais. Peut-être le jeune homme a-t-il seulement décidé de prendre l'air quelques jours, de s'évader de son quotidien, pour un temps. Mais l'espoir est de courte durée. 48 heures, pas plus. Car le 25 février 2011, 2 jours à peine après la découverte du corps de Thomas, c'est bien celui du jeune Jean Mériadec qui est repêché dans la rivière. Et c'est le troisième retrouvé en 4 mois. Il aura fallu plusieurs jours de recherche dans la Deule pour retrouver le corps de Jean Mériadec le Tarnec, un étudiant disparu dans la nuit de samedi à dimanche dernier après une soirée entre amis. Sur place, ses proches qui assistaient aux recherches s'effondrent alors qu'il distribuait des tracts pour le retrouver il y a tout juste quelques heures. Cette troisième découverte jette le trouble à Lille. Personne ne peut s'empêcher de se poser de nombreuses questions. S'agit-il d'accident? S'agit-il d'une série? En tout cas, en ce début de week-end, chacun prendra, en cas de sortie, de nombreuses précautions. La mort de Jean Mériadec fait basculer l'enquête et l'opinion publique. La brigade criminelle, qui est désormais en charge du dossier, sort alors les grands moyens. Porte-à-porte minutieux, enquête de voisinage, chien renifleur, appel à témoins dans les commerces. L'enjeu étant bien sûr de retracer l'itinéraire du jeune homme le plus précisément possible. Des dispositifs qui n'avaient pas été activés pour John Annie. D'après les témoignages, voilà ce que l'on sait. Jean Mériadec disparaît le soir de son anniversaire qu'il fête depuis quelques jours déjà. Le 20 février donc, il passe la soirée chez Florent, l'un de ses amis d'enfance, avec une bande de copains. Au petit matin, après avoir dignement célébré sa 22e année, et alors que tout le monde ou presque s'est endormi, il décide de rentrer chez lui. Il part de chez Florent, accompagné de Vincent, un camarade de classe, qui fait partie du trajet dans la même direction. Jean-Marie Lec a bu. L'autopsie révèle un taux de 1,5 g d'alcool dans son sang, mais il n'est pas ivre. D'ailleurs, c'est lui qui aide Vincent, un peu chancelant, à avancer. Ils marchent ainsi ensemble pendant une demi-heure, sous la bruine froide d'un matin d'hiver, et se séparent. Jean Mériadec emprunte ensuite la rue de la Barre, comme Thomas Ducrot quelques semaines avant lui, et s'évapore dans la ville. La disparition de cet étudiant sans histoire bouscule la thèse de l'accident et certains a priori. Si Thomas Ducrot et John Annie avaient tous les deux beaucoup bu et consommé des stupéfiants la nuit de leur disparition, ce n'était pas le cas de Jean Mériadec. Le lien avec la piste homophobe perd aussi en crédibilité. John était gay et Thomas sortait d'un bar connu du milieu LGBT, mais là encore, pas Jean Mériadec. Alors quoi? Qui? Un sériole pousseur dans la rivière, comme on a pu l'entendre à l'époque? Cela n'expliquerait pas pourquoi ces trois hommes, qui n'avaient rien à faire du côté de la Deule, ont été retrouvés dans ces eaux. Pour les familles, difficile de croire à la noyade par accident. Des jeunes qui se noient, oui, encore une fois, ça existe à Lille comme ailleurs, mais autant et en si peu de temps. Cette série noire, mystérieuse, bouleverse la population qui se mobilise. Plusieurs centaines de personnes ont participé à une marche à Lille en souvenir des trois jeunes retrouvés noyés dans un canal de la Deule. Les enquêteurs parlent d'accident à la sortie d'une discothèque et mettent en avant les dangers des berges, mais certains parents restent sceptiques. Voyez le reportage de François Wasson et Raphaël Lisambard. Une rose blanche à la main, arborant les photos de John Annie, Thomas et Jean Mériadec sur leur t-shirt, ils sont près de 700 à défiler dans les rues de Lille cet après-midi en hommage aux trois jeunes hommes disparus. Un moment de recueillement voulu par leur famille. Personnellement, je ne crois pas à l'accident. Trois comme ça d'un coup, c'est pas normal. Ça ne peut pas être accidentel à mon avis. Et on veut connaître la vérité sur la mort des victimes et que cette vérité éclate. Si la police n'exclut officiellement aucune piste, la thèse de l'accident reste privilégiée. Les coïncidences sont certes troublantes, mais en même temps, aucun indice ne ressort qui pourrait indiquer des agressions, et le corps des victimes ne porte pas de marque de violence. La Deule garde bien ses secrets. Et d'ailleurs, n'est-ce pas elle, finalement, que la police accuse? Une bonne tête de coupable, cette rivière, avec ses drames, ses berges glissantes, son absence d'éclairage et de barrières de sécurité. Après ces mystérieux accidents, certaines mesures sont prises. On commence à réfléchir à l'installation de ce qu'on appelle une ligne de vie, une sorte de cordage accroché au-dessus de l'eau par des crochets fixés sur les parois en pierre de la rivière, le but étant de pouvoir s'accrocher et se maintenir hors de l'eau en cas de chute. Mais alors que les semaines passent et que la théorie des noyades par accident semble se confirmer, tout bascule. Un autre étudiant est porté disparu. Il s'appelle Lloyd Andrieux. Il a 19 ans. Il est le quatrième de la série. You think you're smarter than the rest when you're 16 years old. You think nice guys are growing on trees. You play a role, you play it well. Oh, watch out, boy. They're gonna take your soul. You're searching for an answer, searching for a secret. Your body, anything aside of joy. You try to remain mysterious, but your dream is to be understood. Oh, watch out, boy. your soul. Watch out, boy. They gonna take your soul. Sensible. Fabrice Drouel. Il fait beau à Lille en ce jeudi 22 septembre 2011. C'est la rentrée. Après un an à Tourcoing, Lloyd arrive à Lille, en licence de communication à l'Université catholique, la même que celle de Jean Mériadec. C'est un enfant de la région, un gamin chaleureux, amical, pas timide et un peu bagarreur. Parfois pour la bonne cause. Début septembre, par exemple, il s'est battu avec un étudiant qui a touché les fesses de l'une de ses camarades de fac. Ce soir-là, comme presque tous les étudiants, Lloyd est dehors. Il s'arrête pour retirer 20 euros à un distributeur et file rejoindre deux copains au Solferino, un bar tabac du centre-ville qui, en raison de sa terrasse et de ses petits prix, attire pas mal de jeunes. Vers 1h30, il se sépare de ses ennemis et poursuit la soirée de son côté au Seven, une boîte de nuit un peu chic du quartier Solferino. Deux amis de la fac le croisent dans la rue vers 2h du matin. Il semble à ce moment-là très alcoolisé. Un peu plus tard, il est découvert mal en point par un autre camarade. Sa posture est inquiétante. Lloyd est assis square de Banton, les coudes sur les genoux, la tête enfoncée entre ses bras. Le square de Banton est situé juste en face de la Dole. Un fait étrange se produit alors. À 2h43, quelqu'un appelle Aurélien, un ami de Lloyd, avec le téléphone de ce dernier. Mais quand Aurélien décroche, c'est une voix étrangère qui l'informe que Lloyd ne va pas bien. Aurélien lui demande d'appeler les pompiers et cherche à savoir à quel endroit de la ville se trouve son ami. Mais la mystérieuse voix reste évasive, puis raccroche. Quelques minutes plus tard, un automobiliste croise Lloyd marchant à côté de la rivière. Le conducteur s'arrête à sa hauteur pour s'assurer que le jeune homme va bien. « ça va », lui répond Lloyd, des sanglots dans la voix. La voiture repart. Le conducteur dira « il donnait le sentiment de vouloir être seul ». Personne n'appellera donc les pompiers et personne ne le reverra vivant. Au premier rayon du soleil ce matin, les berges de la Dole avaient retrouvé leur quiétude habituelle, moins de 24 heures seulement après la découverte du drame. À la mi-journée hier, les pompiers plongeurs sortaient de l'eau le corps de Lloyd Andrieux, un franco-britannique d'un peu plus de 19 ans, étudiant en communication à l'Université catholique de Lille. Il n'avait pas donné signe de vie depuis jeudi dernier après une soirée entre amis dans des bars de la ville. Selon les premiers relevés du médecin légiste, hier, le corps de l'étudiant ne présentait pas de traces suspectes, mais aucune piste n'est écartée. Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort. Une autopsie doit être menée aujourd'hui, suite à laquelle le procureur s'exprimera cet après-midi. La découverte du corps de Lloyd, le quatrième en un an, et les résultats de l'autopsie épaississent encore le mystère et relancent la théorie de l'agression. Car à la différence des autres disparus, les analyses ne permettent pas cette fois de conclure à une mort par noyade. Au contraire, le rapport évoque une noyade blanche. Il n'avait pas d'eau dans ses poumons. Autrement dit, il ne s'est pas noyé. Alors, la cause du décès ? Eh bien, selon les médecins, une détresse respiratoire. Deux hypothèses sont donc possibles. Soit il est mort avant de toucher la surface de la Deule, soit il est mort en touchant l'eau par hydrocution, par exemple. Une thèse à laquelle la mère de Lloyd, Marie-Georges, ne croit pas. L'eau n'était pas froide, la température de la rivière n'était pas loin des 19 degrés, c'est presque la même température que l'air. L'hydrocution, ça n'a pas de sens, déclare-t-elle. Elle ne croit pas davantage à une crise cardiaque, due par exemple à un stress important, non. Non, pour elle, c'est certain, son fils a été tué avant d'être poussé à l'eau. Marie-Georges se rappelle s'être réveillée la nuit de la disparition de Lloyd. Son réveil lumineux indiquait 2h43. C'est un truc bête, hein, mais j'ai senti qu'il m'appelait. J'ai entendu maman. Alors je me dis, est-ce que j'aurais pas pu l'appeler à ce moment-là ? Peut-être que j'aurais pu le sauver. Peut-être pas. Pendant ce temps, Frédéric Fèvre, le procureur en charge du dossier, tente d'éviter la psychose et donne rapidement une conférence de presse. Le jeune homme est vraisemblablement mort noyé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace de violence, aucune lésion traumatique, aucune trace de défense intérieurement ou extérieurement. Donc l'hypothèse d'une agression violente peut être totalement exclue. L'autopsie a aussi révélé une forte alcoolémie, 1,81 g d'alcool par litre de sang. Là aussi, confirmation d'une soirée arrosée dans les bars de la ville le soir de la disparition, jeudi dernier. Y a-t-il eu aussi consommation de drogue ? Le résultat des analyses complémentaires ne sera connu que la semaine prochaine. Pour le procureur de Lille, aucune piste n'est privilégiée, c'est une nouvelle enquête qui commence, indépendante de celle concernant les trois autres corps retrouvés dans la Deule en moins d'un an. Les relations entre les familles des victimes et les enquêteurs se tendent après ces annonces. Car une fois encore, c'est le comportement de la victime qui est pointé du doigt. L'alcool est le responsable tout désigné de ces drames. Ce que les familles ressentent au passage comme un jugement de valeur sur la vie menée par leurs enfants. Et même comme une excuse un peu facile soulevée par les autorités pour ne pas chercher plus loin. Marie-Georges souffre du portrait erroné qu'on fait de son fils. Elle raconte par exemple qu'en arrivant dans le studio de Lloyd, les policiers se sont attardés sur le désordre, les bouteilles, en prenant bien soin de prendre en photo celle qui avait une forte teneur en alcool. Julie, la sœur de Thomas Ducrot, confirme cette impression. Chaque disparition, on colle une étiquette d'office sur la personne en disant bah, c'est des jeunes qui ont bu, qui ont pris de la drogue, etc. Des jeunes hommes qui ont fait la fête à Lille, il y en a eu beaucoup. Pourquoi subitement ils se mettent à tomber ? Il y a un pousseur, à votre avis ? J'en suis convaincue. En dépit des questions et des doutes de la famille de Lloyd, l'enquête se dirige une nouvelle fois vers la thèse de l'accident. Ce qui est loin d'apaiser les craintes des jeunes Lillois, les coïncidences sont trop fortes, elles génèrent trop de doutes. Cela va faire un an qu'ils la regardent de travers, cette Deule qu'ils vivent avec ses drames dans un coin de leur tête. On finit même par en faire des blagues. Un ami est en retard à une soirée, il est tombé dans la Deule. Un autre qui enchaîne les bières, tiens, toi tu vas finir dans la Deule. Oh, rien de très méchant, non. Il ne s'agit pas de se moquer ou de manquer de respect aux disparus, non. Juste le rire pour faire passer l'angoisse, mettre la peur à distance. Facile à dire, car moins de 2 mois après Lloyd, c'est Hervé Ribarzyk, le guitariste dont nous vous parlions au début de ce récit, qui est porté disparu. La découverte de son corps, le 23 novembre 2011, lance le 5e et dernier acte du drame qui se joue depuis près d'un an. Le corps a été repéré hier après-midi par des ouvriers qui travaillaient sur le toit d'une usine au bord de la Deule. C'est confirmé ce matin, il s'agit bien d'Hervé Ribarzyk, 42 ans, disparu dans la nuit du 11 au 12 novembre. Il a été identifié grâce à ses vêtements et notamment à une cicatrice. D'après les premières constatations, il n'y aurait pas de traces de violence et il semblerait qu'il soit mort de noyade. Le parquet de Lille n'envisage pas l'hypothèse d'un crime, mais beaucoup se posent des questions sur cette nouvelle découverte macabre dans la Deule. Le dossier Ribarzyk, le 5e de cette série noire, est tout de suite traité séparément des 4 autres disparus. Déjà, ce n'est pas la PJ qui est en charge, comme c'était le cas pour les autres affaires depuis la mort de Thomas Ducrot, mais la sécurité publique. Cette distinction s'explique parce que le corps d'Hervé a été retrouvé plus loin du centre-ville, dans un secteur différent de celui des 4 autres disparus. Son profil notamment, son âge, l'éloigne également de ceux de John, Thomas, Jean-Marie et Lloyd. Et puis surtout, parce que rapidement, après la découverte du corps d'Hervé, ce n'est pas la piste de l'accident, mais celle du suicide qui est privilégiée. Hervé est un ancien toxicomane sous méthadone. Il est sensible, tendre, un peu écorché vif. Et il a perdu quelques mois auparavant l'un de ses proches, un ancien membre de son groupe. Voilà le portrait presque parfait du suicidaire en puissance, estime la police, quitte à forcer un peu le trait. Et c'est bien l'avis des proches d'Hervé. Selon Olivier, le batteur du groupe, les policiers cherchaient surtout à lui faire dire qu'il était dépressif suicidaire quand ils l'ont interrogé. Même son cloche pour Agnès, une autre amie, celle qui a signalé sa disparition. Le suicide, tu sentais que c'était leur thèse, dit-elle. Et puis ils l'affirment tous, Hervé venait de renouer contact avec sa fille de 20 ans. Il avait prévu d'aller rendre visite à son fils qui vivait en Angleterre avec sa mère. Non, non, pour ceux qui le connaissaient, le suicide, décidément, ça ne colle pas. Certains éléments sont effectivement assez troublants. De tous les disparus, Hervé était celui qui avait le moins de distance à parcourir. À peine 5 minutes à pied le séparait du domicile de Dorothée, sa compagne. Et ce court trajet n'impliquait pas de se rapprocher de la Deule. Comment as-tu bien pu finir dans la rivière, devant une usine située à presque 3 kilomètres de la Chimère? Et surtout, pourquoi? Autre élément étrange, lors de l'autopsie d'Hervé, les légistes n'ont pas pu confirmer à 100% les causes du décès. Comme Lloyd, il ne s'est peut-être pas noyé. Malgré tout, les enquêteurs ne sont pas convaincus. Et l'enquête conclut au suicide. En avril 2014, ce sont les dossiers des 4 autres disparus de la Deule qui sont classés. L'hypothèse avancée dans les rapports, des accidents dus à une hyperalcoolisation. Le rideau tombe sur les morts de la Deule. Enfin, pas tout à fait. Bonjour à tous. Au sommaire de votre édition, l'enquête des noyés de la Deule relancée. 3 jeunes gens ont donc été mis en examen pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec préméditation et arme. Révélation de nos confrères de La Voix du Nord. À l'époque, en 2011, l'enquête avait conclu à des chutes. Les explications de Laura Lévy. La psychose avait gagné Lille. Des rumeurs de tueurs en série avaient même circulé après la découverte entre 2010 et 2011 de 5 corps de jeunes hommes noyés dans la Deule. L'affaire avait été classée sans suite en 2014 et c'est le démantèlement d'un réseau de skinheads en Picardie, le White Wolf Clan, qui la relance. 3 hommes, issus de l'ultra-droite lilloise, viennent d'être placés en détention provisoire, mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort avec préméditation et avec arme. À Lille et au sein des familles des disparus, c'est la stupeur. Après tant d'années espérées, les réponses que tous attendent depuis si longtemps sont peut-être là, dans les mots des 3 inculpés. Après tout, une agression de skinhead, ça pourrait coller avec les profils des disparus. John était noir et homosexuel, Thomas sortait d'un club gay, Jean-Marie Adakeloid était étudiant à l'université catholique, avec un profil de fils de bonne famille pour l'un et militant de gauche pour l'autre. Et puis Hervé, avec son groupe punk et son allure de rocker, pouvait être aussi une cible de militants d'extrême droite. En réalité, ça fait 2 ans que les gendarmes ont repris l'enquête sur les disparus et regroupé enfin les 5 dossiers. La PJ a été dessaisie officiellement pour avoir un regard neuf sur les faits. Quoi qu'il en soit, les gendarmes apprennent en 2015, dans le cadre du démantèlement d'un groupuscule d'extrême droite de la région, le White Wolf Clan, que certains membres pourraient être impliqués dans un meurtre à Lille. Il s'avère que l'un des fondateurs de cette organisation, Jérémy Mourin, est à ce moment-là en prison pour violences aggravées. Au cours d'une discussion téléphonique avec un ami, il confie avoir tué un homme et espère que le juge n'aille pas chercher trop loin dans ma période lilloise, précise-t-il. Or, son appel est placé sur écoute. Et là, tout bascule. Les enquêteurs remontent à fil et finissent par obtenir des informations concernant le dossier d'un disparu. Un dossier, un seul, celui d'Hervé Ribarzik. Entre le 24 et le 27 avril, 3 individus sont donc mis en examen pour des faits de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en réunion, avec préméditation, guet-apens et avec armes. Jérémy Mourin ne figure pas parmi ce trio infernal. Malgré les écoutes, les gendarmes n'ont pas réussi à mettre en évidence des preuves directes, concrètes, de son implication. On retrouve en revanche un certain Johan Muth. Et celui-là n'est pas n'importe qui dans le petit monde identitaire de la région. C'est un proche de Claude Hermant, dont a beaucoup entendu parler après les attentats de l'Hypercacher en 2015. Fin de garde à vue pour Claude Hermant et sa compagne, ancien membre de la sécurité du Front National et de la Maison Flamande, un rendez-vous de la jeunesse identitaire à Lambersa. Claude Hermant est soupçonné d'avoir fourni des armes à Mehdi Coulibaly, le tueur de l'Hypercacher à Paris en janvier dernier. Il est sorti de garde à vue au bout de 48 heures. Ses avocats estiment donc qu'il est mis hors de cause. Et Claude Hermant repart donc en détention. Il est incarcéré dans une autre affaire de trafic d'armes. Sa compagne, elle, est libre. Clairement, on n'est pas le seul nom de la sphère identitaire nordiste que l'on retrouve régulièrement accolé à celui de Johan Muth, puisque ce dernier est aussi un ancien membre des jeunesses nationalistes révolutionnaires dirigées par un certain Serge Ayoub. Ce jeune homme possède un très beau pédigré dans le milieu. Mais toujours est-il que si les trois hommes admettent une altercation avec le guitariste la nuit de sa disparition, ils nient l'avoir blessé ou poussé. Non, ils évoquent un échange d'insultes, puis expliquent qu'Hervé, dans un état second, aurait sorti une bombe lacrymogène de sa poche. Johan Muth aurait alors empoigné la bombe, et après quelques invectives, il serait parti avec ses acolytes. La thèse de l'agression était donc la bonne, pour Hervé en tout cas. Le soulagement de ses proches est à la hauteur de la déception des quatre autres familles. Mais il est de courte durée. Faute de preuves matérielles dans le dossier d'accusation, les trois individus ont obtenu une liberté conditionnelle, et si à ce jour. L'enquête concernant le dossier d'Hervé est toujours ouverte. Pour John, Thomas, Jean-Marie Adek et Lloyd, les secrets de leur disparition demeurent bien gardés par les eaux de la Dole. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les disparus de la Dole, notre invité Thomas Status, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur du livre intitulé « Les morts de la Dole, une enquête dans le Nord », paru chez La Thèse en janvier dernier. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce fait divers, à cette histoire de disparus, jusqu'à en écrire un livre, sachant que vous êtes Lillois vous-même et que c'est peut-être un premier élément de réponse? Ouais, il y a eu vraiment la rencontre de deux envies un peu distinctes. La première, c'était de revenir sur cette affaire, effectivement, ayant grandi à Lille, peu ou prou au moment des faits. C'est-à-dire que moi, mes amis et moi, on était tous étudiants à cette époque-là. Donc, c'est une histoire qui nous a marqué. Et les jeunes qui se faisaient des blagues en disant, tu vas peut-être disparaître dans la Dole dont vous parliez pendant le récit. Effectivement, ce sont aussi mes amis. C'est-à-dire, c'est des gens. Vous l'avez dit une fois, ça? Non. En revanche, moi, je me souviens qu'une fois, un ami, d'ailleurs, qui est un auditeur d'affaires sensibles, fréquent, me raconte, je le raconte dans le livre, une fois, il avait disparu et je m'étais interrogé et inquiété. Il avait disparu pendant plusieurs heures. Après une soirée, on ne savait pas trop où il était, de ce qu'il était advenu de lui. Et la deuxième envie, effectivement, se raccroche plus à la fin du récit que vous faites. C'est que moi, dans le cadre de mes activités de journaliste, j'avais beaucoup travaillé sur l'extrême droite, notamment Claude Hermant, effectivement. Et c'est vrai que dans plusieurs dossiers, revenaient les mêmes noms, les mêmes profils. Et donc, il y avait cette impression un peu qu'au milieu de ces cercles concentriques, il y avait cette affaire un peu oubliée, qui était l'affaire de la Dole, qui a été une affaire très médiatisée, mais sur lequel il n'y avait pas eu forcément de point final. Donc c'est un peu la rencontre de ces deux envies. Ouais. Alors, nous n'avons pas le fin mot de l'histoire, en tout cas pas pour l'instant, nous en sommes aux hypothèses. Est-ce que vous privilégiez l'hypothèse de groupuscule d'extrême droite ou non ? Moi, l'idée du livre n'était pas véritablement de faire, de privilégier, de conclure l'enquête. C'est-à-dire que j'entends bien, mais comme on vient de faire un récit sans connaître le coupable, parce qu'on ne le connaît pas, je pense que les auditeurs ont envie d'une hypothèse d'abord. Si tant est que vous en avez une, c'est pas obligatoire non plus. Ce qui est établi, effectivement, et comme vous le racontiez assez bien, ce qui est établi, c'est qu'effectivement, pour une fois, au moins une des affaires, à savoir la dernière, celle d'Hervé Ribarzi, qui a eu une implication de l'extrême droite, effectivement, dans cette histoire-là. Et moi, la réponse que je vais vous faire, qui est un peu une, je sais pas si elle vous satisfera, mais en revanche, je trouvais que cet élément sous-culturel, effectivement, c'est une période particulière dans l'histoire de l'extrême droite du nord de la France, où effectivement, les rues de Lille sont émaillées de nombreuses violences à cette époque-là. Ça, c'est quelque chose qui a été établi. Et donc, ça forme effectivement un décor, on va dire, un peu plus large pour ces faits divers, qui n'a pas forcément été exploité à l'époque. Et donc, ça peut être une des explications du moins, on va dire, du contexte plus général de tension dans les rues lilloises, sans forcément dire, effectivement, que tous ont été poussés par la même personne. Et moi, l'autre chose qui m'intéressait, c'était d'enquêter aussi sur ce manque que vous avez raconté, c'est-à-dire que ce manque, effectivement, dans certaines des affaires, d'actes judiciaires, d'intérêt parfois de la police, effectivement, alors qu'ils se retrouvent dans l'affaire Ribarzik, mais aussi dans l'affaire de Johnny. Mais oui, et surtout, et plus globalement, et j'en arrive à la question, vous tombez la perche, finalement, pourquoi la police, pourquoi les enquêteurs ont donné ce sentiment de privilégier l'accident et puis le suicide pour l'un des cinq, tout sauf le meurtre? Pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça. Je pense qu'effectivement, les autorités lilloises judiciaires se sont trouvées sur une grande, grande pression, et particulièrement au moment où les deux étudiants, coup sur coup, tombent dans la Dole, à savoir Jean-Méladette Luc Ternec et Lloyd Andrieux. Parce qu'effectivement, à cette période-là, c'est vrai que le milieu étudiant fonctionne comme une caisse de résonance. C'est-à-dire que ça accélère encore plus la rumeur. Je pense après qu'il y a plein d'explications, on va dire, exogènes. C'était une période de trouble aussi pour la police judiciaire lilloise. Il faut rappeler aussi que c'était l'époque de l'affaire Strauss-Kahn, et donc toute une partie en fait de la police judiciaire a été décapitée à ce moment-là. Donc effectivement, donc manque de moyens pour le coup. Manque de moyens, manque d'intérêt, et puis pour certaines des affaires, je pense la conviction profonde effectivement que c'était des affaires liées à l'alcool. Et d'ailleurs, c'était aussi un élément de communication, c'est-à-dire que au même moment où les gens tombaient dans l'eau, on annonçait des politiques publiques sur le binge drinking. Etc. Oui, on l'a dit, ouais, effectivement. C'était le principal suspect. Je pense qu'un peu tous ces éléments ont fait à ça. Et puis, évidemment, il faut le rappeler, le statut particulier de l'extrême droite du Nord à ce moment-là, du moins pour la dernière affaire, puisque Claude Hermant n'était pas n'importe qui, c'était évidemment. On va en parler dans 3 minutes de ces gens-là, évidemment. Ouais. Juste une chose, les proches des victimes ont souffert, j'ai cru comprendre, de cette direction dans laquelle la police voulait aller, absolument. C'est dur pour les familles. C'est très dur, et je vous avoue que c'était aussi une des premières portes d'entrée. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, c'est un livre qui a germé c'est une enquête qui a germé quasiment pendant des années. Moi, le premier coup de fil que j'ai passé, c'était à Marie-Georges Capoun, donc la maman Armand Lloyd Andrieux. Et effectivement, ce qu'elle racontait était aussi quelque chose de très frappant. Et c'est quelque chose qu'on oublie peut-être parfois dans des livres sur des faits divers. C'est de raconter comment la machine justice peut broyer aussi une famille. Alors parfois par violence institutionnelle, sciemment. Erreur judiciaire, voilà. Mais aussi par simple négligence et par manque d'explication. C'est-à-dire qu'en fait, ces familles-là se retrouvaient plongées dans une mécanique qu'elles maîtrisaient pas forcément, dont elles connaissaient pas forcément les codes. Et elles vivaient comme des choses extrêmement violentes, des choses qui étaient en fait finalement des procédures assez standards. C'est-à-dire le fait, par exemple, que le cercueil soit scellé et qu'il ne puisse pas avoir le corps, qui est parfois assez rare dans des affaires de meurtre, c'est vécu comme quelque chose où on a l'impression qu'on leur cache quelque chose, que quelque chose, on leur dérobe le corps de leurs enfants. Donc c'était aussi cette mécanique-là que je voulais raconter, parce que c'est une histoire humaine et c'est une histoire aussi de gens du Nord. Et effectivement, il y a un aspect régional assez fort aussi. Moi, j'avais aussi envie de raconter un livre sur le Nord, et voilà. Bon, alors, ce contexte particulier à l'époque des faits, nous allons y revenir dans 2 minutes. I lost my heart. Statius, quelle est donc cette contre-culture ou sous-culture dont vous parlez dans votre livre et qui expliquerait bien des choses ? Alors, effectivement, un des projets du livre était de réinscrire cette série de faits divers, de ces 5 morts entre octobre 2010 et novembre 2011, dans un cadre un peu plus large qui est effectivement celui de l'extrême droite du Nord. Comme je disais, c'est vrai qu'il y avait 2 projets dans ce livre, finalement, revenir et retracer l'histoire de ces faits divers, mais aussi raconter la genèse d'une jeunesse radicale dans le nord de la France qui est impliquée dans au moins un des décès, puisque c'est la piste qui a été retenue et confirmée par les enquêteurs pour Hervé Ribarzik. Et donc, effectivement, les skinheads à l'époque, du moins les gens qui formaient cette mouvance de droite radicale, ont été parfois les premiers témoins et les premiers récipiendaires des rumeurs, puisque à l'époque, effectivement, quand notamment Hervé Ribarzik tombe dans l'eau, le milieu parle. On se raconte des choses. Est-ce que ce serait pas un tel qui l'aurait poussé? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une bagarre? Est-ce qu'il se serait pas passé telle ou telle chose? Et je trouvais qu'effectivement, c'était aussi une bonne manière de revenir effectivement sur cette jeunesse radicale que nous, on croisait aussi en étant adolescents dans les rues de Lille. Et comment expliquer le développement de ces mouvances dans le Nord? Est-ce que la frontière avec la Belgique pourrait expliquer quelque chose? Et qu'est-ce que ça expliquerait finalement? Il y a plusieurs réponses qui peuvent être faites. C'est vrai que le Nord a été une région ouvrière où il y a eu effectivement un terreau assez fort, notamment pour le Parti communiste à l'époque. Et selon la formule consacrée, il y a effectivement des passages des partis communistes vers des votes lepénistes et vers l'extrême droite. C'est quelque chose, un mouvement qui est assez connu. Il y a une fierté ouvrière, et c'est vrai que les mouvements skinhead, notamment en Grande-Bretagne, étaient aussi l'émanation d'une forme de fierté ouvrière qui avait été écrasée ou du moins un peu empêchée. Et Et c'est vrai que la proximité de la Belgique qui a été aussi une terre d'adoption des contre-cultures britanniques explique beaucoup de choses. À ceci-là, il faut aussi rajouter qu'effectivement, c'est une région très urbaine et que la culture squinade est majoritairement une émanation plutôt de citadine. C'est plutôt citadine. Il y a un peu tout ça qui s'est rencontré dans un cocktail un peu détonnant et qui s'est aussi durci effectivement au milieu des années 2010 avec la rencontre des deux figures tutélaires de l'extrême droite dont on parlait dans le récit qui finalement vont un peu se bagarrer. Pour les skins, c'est-à-dire Claude Hermant d'un côté avec la création de cette maison flamande à la fin des années 2000, qui est en fait un estaminet, c'est-à-dire c'est un bar où il y a des écharpes de clubs de foot, où on sert des bières, où se retrouvent un peu de gens du Front National, des militants, des policiers, des jeunes un peu paumés, etc. etc. Des policiers, dites-vous ? Des policiers, et ça, c'est, pour le coup, c'est aussi quelque chose qui était assez établi, effectivement. Mmh. Des policiers parce que d'abord, Claude Hermant était une source, de plusieurs services, de la gendarmerie, des douanes, de la police et parfois même des renseignements généraux. Et puis effectivement des policiers qui nourrissaient une certaine amitié pour les idées défendues par Claude Hermant dans la maison flamande. Et puis ensuite effectivement il y a l'arrivée de Serge Ayoub qui à l'époque voit effectivement cette manne de militants assez importante dans l'ordre déjà constitué comme quelque chose qui pourrait renforcer les troupes de son mouvement, comme vous disiez, les jeunesses nationalistes révolutionnaires qui ont été recréées au début des années 2010. Vous me dites, je suis encore sur cette histoire de policiers, si, dès lors que certains policiers, je ne sais pas combien, mais, peuvent partager les idées de ceux qui pourraient être à l'origine de la disparition, est-ce que ça n'a pas un peu pollué l'enquête quand même ? Alors, moi, j'ai pas établi que les enquêteurs qui ont enquêté sur ces meurtres-là, effectivement, étaient la maison flamande. Ce sont juste des questions de votre part et de la mienne. Non, effectivement, ça a été une des questions qui a pu se poser dans l'enquête et qui a pu germer, je pense, aussi dans la part et qui a pu germer en moi, évidemment. Et d'ailleurs, on s'interroge aussi pourquoi la gendarmerie a été saisie suite à la police judiciaire, suite à la réouverture dans l'enquête. Il y a eu effectivement un moment où s'est posé beaucoup de doutes, effectivement, avec cette histoire notamment de l'hypercacheur qui a été jugé, mais je veux dire sur lequel subsistent encore un certain nombre de questions. Donc évidemment que la proximité a pu interroger, d'autant que effectivement, comme on l'a dit, Claude Hermant était un indique établi, enregistré, et qu'il a été entendu. Et ça, c'est un élément de l'enquête qui moi je trouve assez déterminante, c'est que dans l'affaire de la mort d'Hervéry Barzic, ce qui se passe, c'est qu'en mars 2012, la police reçoit un premier tuyau. C'est-à-dire, elle est informée d'une possible implication, ou du moins une source a alerté la police en leur disant s'il y a une possible implication de l'extrême droite dans cette histoire. Ouais. Et les policiers font le service minimum, et ont en garde à vue d'ailleurs ce jour-là, Johan Muth, qui est ensuite celui qui a été mis en examen. Et Mourin ? Mourin, c'est une histoire compliquée. Mourin, alors Mourin, effectivement, c'est aussi une autre figure très connue de l'extrême droite, qui était d'ailleurs Johan Muth était son parrain dans l'organisation des jeunesses nationalistes révolutionnaires. Donc il y a une vraie amitié entre deux. Mourin, il y a toujours eu un doute de la part des enquêteurs de savoir s'il affabulait pas, s'il disait pas la vérité, ou du moins une partie de la vérité. Ce qui est établi, c'est qu'il connaît cette histoire. Il l'a entendu, on lui a raconté, et il en maîtrise certains des détails. En revanche, il n'arrive pas à établir les gendarmes s'il était présent sur le lieu des faits ou non. Et ça, c'est une question que celui peut répondre. Alors, si... Pour le cinquième, Hervé, c'est ça, hein, qu'on appelle le cinquième, dans l'ordre chronologique, la piste de l'extrême droite doit être apparemment, il faudrait continuer à la fouiller. Vous croyez quand même à la thèse de l'accident pour les quatre autres, ou deux ou trois des quatre autres, je ne sais pas, parce que des étudiants, des jeunes qui boivent, qui fument un joint ou autre chose, et qui se noient, malheureusement ça arrive. Bah moi je répondrais pas mieux que le directeur de la sécurité publique de l'époque qui me racontait qu'effectivement, lui, sa réponse à lui, c'est qu'il doute qu'il y ait un pousseur, lui, pour tous les morts de la Dole. En revanche, qu'il y ait eu des gens qui étaient poussés dans la Dole, lui paraît un scénario possible. C'est pas quelque chose d'inenvisageable. Et c'est d'ailleurs, moi aussi, un des éléments que je raconte dans le livre. C'est-à-dire que la Dole est un endroit beaucoup plus criminogène, où il y a eu des agressions effectivement que ce que veulent bien en dire les policiers. Et c'est effectivement aussi un des éléments qui a été mis un peu sur le côté tout au cours de l'instruction. Voilà, on saura peut-être la vérité quand on aura ce qu'on appelle un supplément d'information, un nouvel élément qui peut éclaircir l'affaire, voire l'élucider. Ben, parfois, vous y croyez-vous pour cette affaire-là ? J'aimerais y croire, honnêtement. J'aimerais, parce que je pense que la souffrance des familles, effectivement, cette attente est quelque chose d'insupportable pour elles, effectivement, de pas savoir et de pas avoir de réponse. En revanche, je pense que les éléments matériels, maintenant, ça fait quasiment 10 ans. Donc c'est très difficile d'avoir des preuves si les enquêtes reprennent aujourd'hui. Merci en tout cas Thomas Statius pour toutes ces précisions. Je rappelle le titre de votre livre, Les morts de la Deule, une enquête dans le Nord, paru chez Lattès en janvier dernier. Donc c'est tout récent, on le trouve très facilement. Merci. Merci. Au revoir. À vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les disparus de la Deule. À la technique aujourd'hui, il y avait Julien Dumont.